Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Gérard Marin, assisté de Michel, diffusé en direct mercredi 10 février 2016 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 11 février, dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 et par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Eh bien, mes auditeurs de Radio Courtoisie, après le passionnant et très inquiétant témoignage de Ghislaine Duménil sur l'islamisation de la RATP, nous allons complètement changer de sujet et je suis très heureux de recevoir à la fois le docteur Jean-Pierre Willem, qu'il est inutile de vous présenter, il est venu si souvent à mon micro, et le docteur en pharmacie Jean-Philippe Zalka, qui vont vous parler des huiles essentielles, de ces remèdes assez miraculeux, notamment contre les infections virales. Auparavant, nous avons quelques annonces à faire et je vais lire le compte-rendu, un petit compte-rendu de la remise du prix Renaissance 2016 à notre grand ami Roger Olindre. Ensuite, nos spécialistes des huiles essentielles auront la parole et vous pourrez leur poser des questions, j'imagine, qui vous posez. Voilà. Bien, alors cette première annonce concerne le film M et le troisième secret. Jeudi 11 février au cinéma Saint-André des Arts, à 20h, en présence du réalisateur Pierre Barnérias. Le cinéma est 30 rue Saint-André des Arts, Paris 6e. Et une autre présentation aura lieu samedi 26 mars, toujours à 20h. Ensuite, le Forum de la France chrétienne organise le vendredi 19 février à 20h30 une conférence avec Marion Sigaut, historienne, crimes faussement imputés à l'Église. Alors, conférence et débat, c'est à 20h30, le lieu 9 rue Bergère, Paris 11e. Inscription, téléphonez au 06 20 35 55 48 ou bien par internet france.chrétienne.free.fr. J'ai terminé. Merci Michel. Alors à mes auditeurs de Radio Courtoisie, comme je l'ai annoncé au début de ce libre journal de la Résistance française, le prix Renaissance 2016, le 46e déjà, a été attribué à notre ami Roger Olindre pour son livre magistral 1935-2015, 80 ans de mensonges et de calomnies, ça suffit. Une remarquable remise à l'endroit de l'histoire de France, outrageusement falsifiée, des dernières décennies. Et un très grand succès de librairie, amplement mérité, il faut le dire. C'est le père Argouarche, sous l'œil approbateur de Michel de Rostolan, président du Cercle Renaissance, et d'Anne Brassier, préfacière du livre, qui a remis le prix au lauréat. Avec la flamme et la foi qu'on lui connaît, le padre a retracé la carrière exceptionnelle et la vie hors du commun du vieux baroudeur, une vie chargée d'héroïsme dans la Résistance, en Indochine, en Algérie, une vie tout entière consacré au combat pour la France, par les armes, par l'action scout, par l'engagement politique aux côtés de Jean-Marie Le Pen, par sa plume de grand reporter ou d'écrivain de choc, prodigieux réinformateur historique. L'étonnant Popeye, qui va bientôt fêter ses 87 printemps, a su, dans sa réponse, dominer son émotion pour nous inviter, devant la gravissime montée des périls, à entrer en résistance et, avec la grâce de Dieu, à ne pas perdre l'espérance. Deux mots qui riment avec France. Chapeau, Roger. Ne pas désarmer à cet âge-là, quel exemple, quelle leçon. Dans les salons de l'Aéroclub de France, nombreux étaient les amis et admirateurs de Roger Olyndre venus s'associer à cet hommage si chaleureux et parfois bouleversant. Parmi les personnalités présentes, outre d'anciens compagnons d'armes, officiers para, et ex-collègues parlementaires de l'ancien député Front National, on remarquait les grandes figures de la droite nationale. Le président Le Pen et son épouse, Jeannie, Bruno Gollnisch, Karl Lang, président du Parti de la France, des patriotes moins connus. Et puis, tous les amis du village d'enfants de Riaumont. Radio Courtoisie était bien représentée aussi. À Anne Brassier et Michel de Rostolan s'ajoutaient Didier Rochard, Roger Saboureau, Philippe Pichot-Bravard, prix Renaissance 2015, et votre serviteur, qui reçut si souvent Roger Olyndre à son micro et à son comptoir de la fête du livre de Radio Courtoisie, où en juin 2015, il dédica sa, écoutez bien mes auditeurs, 250 exemplaires de son « Ça suffit ». C'est fou. J'ai reconnu également bien des auditeurs fidèles dans l'assistance, où les jeunes militants de la Nouvelle Résistance n'étaient pas rares à côté des vieux briscards. Un échange entre le lauréat et ses fans de tous âges se révéla extrêmement fructueux. Le président du Cercle national des combattants reste lui-même un sacré combattant, un résistant, un dissident de choc, et il prépare un nouveau livre explosif, m'a-t-il dit. Je le recevrai bien entendu à notre micro. Excusez-moi. Il faut remercier et féliciter chaleureusement Michel de Rostolan et le Cercle Renaissance pour cette belle soirée d'amitié française, de communion nationale, de ferveur patriotique qui atteignit un sommet quand la salle entonna le chant des Africains. Et redire également toute notre admiration et notre gratitude au père Argouarche, croisé d'une chrétienté bien vivante qui nous fit réciter le bénédicité avant de nous mettre à table. Amis auditeurs de Radio Courtoisie, croyez-moi, cela fait un bien fou de participer à une fête de la France française placée sous le signe de la Renaissance. Merci de m'avoir écouté et maintenant je vais donner la parole à mes invités sur un sujet qui n'est pas du tout léger, contrairement aux apparences, donc celui des huiles essentielles. Alors, la première question va s'adresser à mes deux invités, le docteur Jean-Pierre Willem et le docteur en pharmacie Jean-Philippe Zalka. Qu'est-ce que c'est exactement une huile essentielle? Monsieur Zalka. Une huile essentielle. Alors, quand on parle d'huile essentielle, il faut toujours penser plantes aromatiques. Ces merveilleuses petites plantes qu'on appelle vulgairement des plantes à essence, et qui vont, par la main de l'homme, subir une petite transformation, c'est-à-dire une distillation, que tout le monde connaît, dans les campagnes notamment, surtout en Normandie, avec le calvin. Et cette petite plante aromatique, donc, va être distillée, et va subir un entraînement à la vapeur d'eau, les molécules aromatiques vont subir un entraînement à la vapeur d'eau pour être à l'extrémité d'une colonne réfrigérante transformée en une substance extrêmement concentrée qu'on appelle huile essentielle. D'accord. Quand on parle d'huile essentielle, bon, c'est l'aromathérapie, c'est la chimie à l'état pur, puisque dans chaque substance, dans chaque huile essentielle, il y a en moyenne entre 50 et une centaine de molécules chimiques. Ah, c'est impressionnant. Qui ont une action extrêmement, car ils sont très concentrés, qui ont une vitesse de pénétration dans l'organisme, surtout en cutané, très importante, et qui ont un atout considérable, c'est la résistance aux virus et aux bactéries. Et ça, c'est capital, parce que malheureusement, les sommités internationales sont confrontées maintenant à un très gros problème, c'est qu'ils sont obligés de changer, de créer de nouveaux antibiotiques à cause de ces fameuses résistances et qui, à mon avis, va être un grand défi pour la santé publique dans les 10-15 prochaines années. Alors précisément, docteur Jean-Pierre Willem, vous venez de publier aux éditions Guitry & Daniel « Huiles essentielles antivirales, la solution naturelle pour lutter contre les infections ». C'est très important, comme vient le dire le docteur en pharmacie Jean-Philippe Zalka, à un moment où certains antibiotiques, en tout cas, commencent à perdre de leur efficacité. Oui, vous avez des gens actuellement qui meurent de staphylocoque doré, qui meurent carrément. Plus, il y en a énormément. Puis vous avez, par exemple, les Escherichia coli. Eh bien, il y en a un qui est... Vous ne pouvez rien faire. On se demande si c'est pour une future guerre. Ça pourrait très bien rentrer dans une stratégie au niveau militaire. Et alors, évidemment, donc, ces huiles essentielles, c'est pas la bienvenue donc de nos universitaires, etc., qui sont soumis un petit peu à tous les lobbies. Mais ils s'y mettent, hein, parce que je vois mes livres sont lus par des professeurs qui me font des commentaires et tout, et qui me disent continuez, vous êtes comment l'expression, donc vous amenez donc une lumière sur tous ces aspects. Donc la sacro-sainte domination des médicaments chimiques. Bien sûr, parce que si jamais on généralise cela, beaucoup de laboratoires vont fermer leurs portes. Parce que les antibiotiques, c'est des milliards. Et alors, je me souviens, j'ai une anecdote, vous avez eu à un moment donné un virus, le coronavirus, qui a sévi donc en Arabie Saoudite, 2 mois avant le pèlerinage. Eh bien, figurez-vous, moi je fais des cours donc sur les huiles essentielles au Maroc. On a réuni 30 professeurs du Moyen-Orient pour trouver donc une solution. Ça s'est bien passé, mais il était interdit d'en parler. Vous voyez ? Et puis alors, c'est à ce point-là. Alors, ce que disait mon confrère, c'est que maintenant, la porte est ouverte à des virus, parce que au niveau climatique, vous savez, avec tous les chamboulements qu'il y a, etc. Oui, ça arrive de partout, si bien sûr. Les virus, en plus, avec les transports, bien etc., comme pour la grippe espagnole en 1916, qui avait fait 70 millions, ça peut en faire plus. Bon, on a un virus qui va arriver, qui affole actuellement donc toutes les ministères de la santé, et il y aura pas de parade. Et je me souviens quand il y a eu le chikungunya. Et récemment, il y a eu ces deux épidémies là. Ah oui, ça court les rues. Hein. Ouais, vous avez les fièvres hémorragiques, etc. Tout ça va arriver. Hein. Plus les oiseaux migrateurs, etc. Transportent. Donc ça ne fait que commencer finalement. Hein. Je me souviens pour le chikungunya. Voilà, c'est ça. Je cherchais le nom. J'en avais. Il y a un autre. Il y a l'Ebola aussi. Ah, il y a eu Ebola. Il y a eu 60 flambées d'Ebola. Moi, je suis allé à la deuxième. Au Zaïre, parce que les Américains y sont allés, et ils étaient donc comme des scaphandres, etc. Ils sont restés 10 jours, ils ont apporté, sans rien donner d'explication. Et en Afrique, c'est le blanc. C'est le blanc qui a amené la chose. D'autant plus que c'est très petit, hein, c'est le plus petit, j'allais dire, bestiole agressive qui existe dans la nature. Alors j'y suis allé, j'ai été accueilli, évidemment, et j'avais amené quelques litres d'huile essentielle. Bon, puis j'ai fait surtout un cours pour expliquer un petit peu, il y a une grosse faculté pour expliquer la chose. Alors, pour le chikungunya, j'écrivais dans une revue à l'époque qui s'appelait Principes de santé. Eh bien, les Réunionnais attendaient cette thérapie. Il y a un journaliste qui est venu me voir au nom de 30 médecins pour que j'apporte une solution. J'ai été bloqué, et là-bas il y a 5 députés, par 4 députés. Et celui qui a accepté, c'est Vergès, le frère de Maître Vergès, qui a accepté, un bon communiste. Alors, en 3-4 jours, l'affaire était réglée avec un peu d'homéopathie. Et celui qui va arriver, le virus Zika, là, j'en ai parlé parce que ça va arriver en France au mois de mai, suivant la saison avec les réchauffements, etc. Et j'ai fait un site que je donnerai tout à l'heure. Déjà, j'ai donné toute la thérapie qui va venir parce que là, on va être débordé. Hein. Ça reprend un petit peu certains antiviraux de chikungunya, quoi. Parce que, ben, il faut faire quelque chose. Bien sûr. Donc, votre livre est le bienvenu, comme celui du docteur Jean-Philippe Zalka, dont j'admire le travail. C'est un véritable travail de Bénédicte. Merci, mais ça fait 35 ans que je travaille les huiles essentielles. Et ben, j'ai voulu faire un livre à la fois pratique et scientifique. C'est une nouvelle édition de votre dictionnaire. C'est une nouvelle édition, effectivement. Elle a été revue, corrigée, complétée. Avec dictionnaire complet d'aromathérapie, 250 huiles essentielles, 32 hydrolats et 34 huiles végétales. Ah. Et c'est marquement classé, répertorié. On voit tout de suite à quelle pathologie répondent telle et telle huile essentielle. Oui. Oui. C'est un travail considérable et tout à fait utile qui est publié, lui, ce livre est publié par les éditions du Dauphin. Alors, évidemment, il y a une question sur le plan d'information qui peut intéresser les auditeurs de Radio Courtoisie. C'est d'abord que vous nous disiez depuis quand ces huiles essentielles sont connues et utilisées. Hein, ça, c'est pour l'information historique. Depuis les Égyptiens. Ah, ben, en effet. Oui. C'est-à-dire que dans l'embaumement, on a décelé beaucoup de lauriers. Ah. Du thym, du romarin, mais surtout le laurier. Et grâce aux nombreux oxydes qui composent ce laurier, qui a la faculté d'être antiputride. C'est-à-dire que les anciens, déjà, utilisaient beaucoup le laurier parce qu'à l'époque où le frigidaire n'existait pas, oui. Et que la viande, bon, était plus ou moins mal conservée et plus ou moins faisandée, on mettait toujours des feuilles de laurier. Pas forcément pour le goût, mais ouais. Surtout pour éviter la putréfaction. Et quand il y a eu la chimie qui a explosé à la fin du XVIIIe siècle, on s'est rendu compte que ce fameux laurier, Laurus nobilis, avait des facultés antibactériennes extraordinaires, qui ont confirmé, en fait, tout ce que les anciens, notamment les Égyptiens, avaient découvert par empirisme. Oui, ça c'est très, très la preuve, c'est que l'on retrouve encore des momies en parfait état. Quels sont les différents modes de diffusion, d'application des huiles essentielles? Alors, il y a beaucoup de modes. Suivant la pathologie. Et puis, suivant aussi les huiles essentielles considérées, parce qu'il y a des huiles essentielles qu'on peut, avaler comme la cannelle, mais surtout ne pas appliquer sur la peau. Il y en a d'autres qu'on peut avaler, diffuser, appliquer sur la peau, comme le Ravintsara. Alors, en ce moment, on parle beaucoup du Ravintsara parce que c'est une huile essentielle particulièrement antivirale. Merveilleuse huile essentielle. Que m'avait recommandé d'ailleurs Anne Tromelin, là, quand j'ai été. Voilà, exactement. D'ailleurs, atteint d'une bronchite. Que je soigne régulièrement. Je suis encore sous l'influence. Ils ont réapparu, hein, c'est pas. Donc, cette huile. Il y a deux, trois mois. C'est une huile, j'aime beaucoup en parler parce qu'on va pouvoir la donner aux enfants, parce que c'est une huile qui est totalement une innocuité parfaite, qui est très bien tolérée, c'est très bonne tolérance. Ravintsara. C'est une huile qui vient de Madagascar. Et qui est particulièrement antivirale. Donc, dans les états grippaux, ça marche très bien en application cutanée, en friction, par voie buccale et aussi en inhalation et en diffusion atmosphérique. C'est une merveilleuse huile essentielle. Et autrement, on peut les diffuser par... Il y a plusieurs. La voie la plus simple, c'est la voie cutanée, oui. Comme on le disait tout à l'heure. L'application. Il suffit de mettre de l'eucalyptus ou la voûte plantaire. 22 minutes après, vous exhalez l'eucalyptus. Mmh. Donc, on ne peut pas réfuter le... J'ai fait la démonstration sur Antenne 2. Et Sophie Davant a retiré ses bas. Elle a vérifié et on a bien senti, pas ses pieds, mais le calice. Elle avait les pieds propres. Elle avait pas les pieds propres, Le fameux président de la République, il est très bien ce monsieur, il a les pieds propres. On a des résultats très étonnants, et pour rebondir à ce que disait Dr Willem, heureusement, il y a des médecins, donc d'ailleurs comme vous, qui, grâce à vous, s'intéressent de plus en plus aux huiles essentielles, et dans les hôpitaux, et on s'y intéresse de plus en plus. Mais malheureusement, quand on s'y intéresse, c'est quand il y a eu des échecs thérapeutiques. C'est malheureux. Pourquoi ne pas les utiliser tout de suite? Oui, mais enfin, il y a... On ne l'utilise que pour les échecs thérapeutiques, notamment pour des C'est pour ça que chaque semaine, moi, je vois arriver... Enfin, j'entends parler de morts d'infections pulmonaires. Voilà. On ne dit pas c'est viral. Eh bien, tout simplement, si vous faites un embaumement, l'embaumement, ça consiste à dire de mettre presque une poignée d'huile essentielle dans votre main. Moi, en principe, mon confrère prend plutôt du ravin de sarre, etc. Moi, je prends deux huiles essentielles, c'est l'eucalyptus globulus et radiata, qui ont été expérimentées dans toutes les grippes. Mais le professeur n'a pas voulu me l'écrire. C'est-à-dire, la grippe, vous l'attrapez déjà par la voie buccale, le carrefour ORL. C'est l'eucalyptus radiata. Mais vous mourrez quand le virus tombe sur les bronches. Mmh. Et alors, c'est l'eucalyptus globulus. J'ai mis au point donc une formule qu'on appelle l'isohome, qu'on fait en diffusion. Eh bien, on l'a expérimenté, ça marche systématiquement. Et les milliers de gens qui ont lu mon livre, eh bien, ils m'ont écrit, etc. Ça marche. Bon, ça coûte 10 euros, mais vous évitez la mort. Bien sûr. Tout simplement. Bien sûr, tout à fait. Et alors, pareil, donc, les infections pulmonaires, chaque semaine, il y en a qui meurent. Alors, vous faites l'embaumement, c'est-à-dire, vous remplissez la paume de votre main, et puis vous y allez franco, trois fois par jour. Vous pouvez mettre aussi des suppositoires. Le suppositoire, parce qu'on n'a pas parlé, il y a les gélules, il y a le flanc vaginal, etc. Pour les enfants, c'est radical. Le suppos, c'est la voie royale. Vous contournez toutes les voies et on arrive à... Pour la bronchiolite, etc., c'est merveilleux. Mais j'ai parlé du ravin de sarre parce qu'actuellement, mais c'est vrai que dans des cas d'infection cutanée, bronchite, etc., il faut utiliser la synergie des huiles essentielles. Hein. Bien sûr, ça c'est important. Hein. Il faut utiliser au moins entre 4 et 5 huiles essentielles qui vont agir en synergie. Et comme chaque huile essentielle renferme entre 50 et 100 molécules chimiques, imaginez... Dans un mélange qui renferme 5 huiles essentielles, on va avoir près de 500 molécules chimiques. Donc comment voulez-vous, dans ces cas-là, que le virus arrive à... C'est pas possible. On restaure l'ensemble du terrain. On restaure l'ensemble du terrain. Vous avez des aspects calmants dedans, vous avez des aspects qui stimulent l'immunité, etc. Donc c'est une médecine de terrain qu'on fait, c'est-à-dire, et on voit tout l'aspect holistique qu'il faut avoir. À contrario, les antibiotiques qui vous détruisent la flore intestinale, etc., et puis qui n'agit pas sur les virus. Donc, Donc, les huiles essentielles peuvent avoir une efficacité supérieure à celle de certains antibiotiques. Ah oui. Mais enfin, attention, quand c'est vraiment des bactéries, vous avez quand même des antibiotiques qui sont d'une efficacité dans les 2-3 jours. Des fois, nous, il y a un petit retard quand même au démarrage. Hein. Et alors, ce que l'on a découvert récemment, c'est que l'utilisation des antibiotiques avec des huiles essentielles décuple l'action des antibiotiques. Ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est une donnée, j'ai appris il y a quelques mois. Il faut toujours, quand on prend des antibiotiques, y associer des huiles essentielles. Oui, oui. Ça renforce l'action des antibiotiques. Eh bien, bien sûr, parce que les huiles essentielles vont aider, en fait, les antibiotiques à éradiquer ces fameux microbes. Et ça, je l'ai vérifié. Je croyais, à 30 ans, avec les huiles essentielles, m'attaquer d'une façon positive au sida. On n'a pas de résultat au sida. On n'a pas. Il ne faut pas inventer. Mais vous améliorez le terrain. Avec la trithérapie, on ne dit plus trithérapie maintenant. Eh bien, avec la trithérapie, vous stabilisez les gens. Ah oui, on arrive à des résultats vraiment étonnants. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Il ne meurt plus. Ma pharmacie est pas loin de l'Institut Curie et j'ai beaucoup de clients qui ont des effets secondaires dus à la chimiothérapie, notamment des aphtoses, ce qui est terrible. Et je les soigne avec des mélanges, notamment des hydrolats. Alors l'hydrolat, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Bon, c'est exactement les mêmes propriétés que les huiles essentielles, seulement c'est beaucoup plus doux. Et on va pouvoir les appliquer sur les muqueuses, aussi bien sur les muqueuses oculaires, buccales et génitales. Vous voyez, chose qu'on ne peut pas utiliser avec les huiles essentielles. Et selon vous, docteur Villet, docteur Zalka, quelles sont les pathologies qui répondent le mieux à l'action. Je vais vous en donner une. Je vais vous en donner une parce que vous connaissez le vaccin Gardasil. C'est Gardasil, le papillomavirus. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on a presque obligé les jeunes filles de 14 ans, ça suppose qu'elles soient plus vierges, évidemment, et qui auraient un papillomavirus. C'est un virus qui va sur le col de l'utérus. Alors, pour prévenir, parce que ça dégénère, ça devient un cancer, alors on donne le vaccin, qui est souvent mortel, mais qui génère des effets secondaires épouvantables, dans le coma et tout. Les États-Unis ont eu des morts, et j'ai eu deux cas, moi, à récupérer, c'est énorme, hein. Vraiment, alors que vous avez en ovule, puisque le papillomavirus, et je l'ai employé par voie vaginale, je vais vous donner les trois, c'est l'eucalyptus à cryptone, la cannelle et le thym à tujanol. Vous mettez ça en ovule, trois semaines. Pendant trois semaines, à principe, 80% c'est réglé. Et vous refaites une série de trois semaines, ben figurez-vous qu'il y a des gynécologues qui ont vérifié cela, il n'y a pas, ça marche. Et bon, ça coûte pour 25 euros. J'ai eu des prescriptions de cette formule. Oui, ah oui, mais ça c'est incroyable. Ça marche aussi, par exemple, les petites pathologies dont on parle beaucoup, l'hélicobactère qui donnerait l'infarctus, qui donnerait ceci, cela. Vous avez une excellente huile essentielle, c'est la carotte, Docus carota. Docus, c'est ce qu'on vient de découvrir. Parce que les huiles essentielles, l'aromathérapie, maintenant... Le champ est ouvert aux découvertes et aux recherches, etc. Vous avez, depuis mon premier livre, qui était un best-seller, Les huiles essentielles, médecine d'avenir, il y en a eu 60 derrière. C'est-à-dire tous les éditeurs veulent des livres. Ce qui fait qu'une concierge espagnole fait son livre, une journaliste qui n'a aucune notion, on plagie et on a, ça ne correspond plus à rien. On a évolué incroyable. Par exemple, les candidoses, maintenant, on se rend compte que c'est les citrales. On évolue, on travaille, mais même au niveau, on a trouvé 12 huiles essentielles dans le cancer. Donc, ça évolue beaucoup, beaucoup. Bon, en principe, on a nos réseaux à nous. Hein. On communique ou on ne communique pas, parce qu'il y a quand même l'ordre des médecins qui peut, comme moi, me mettre à la porte, alors que je n'ai jamais été à l'ordre des médecins. Mais je suis rayé. Ah ben oui, je suis l'homme à abattre en France. Donc, vous voyez devant vous, je suis l'homme à abattre, je suis condamné à mort, déjà par le Daesh, parce que vous vous souvenez, je suis sur la l'État liste. Islamique, hein, l'État islamique. Pas de Daesh, parce que c'est un peu effacé l'origine et les motivations. Donc, on ne le met plus. Alors, donc, à partir de là, je continue, moi, j'ai rien à perdre, hein. Je vais quand même pas me protéger à vie, tant pis, hein, il arrivera ce qu'il arrivera. Mais enfin, moi, j'allais dire que ça me rend joyeux. Au moins, j'aurais été utile. Comme on disait, ergo sum, l'expression. Donc, je suis, je travaille, donc je suis. Et moi, en tant que pharmacien, pour rebondir ce que disait Dr Willem, je soigne pratiquement toutes les pathologies courantes, infectieuses, comme les rhinites, sinusites, par exemple. Alors les maux de l'hiver, je parlais des maux de l'hiver, les grippes, les bronchites, les angines. On a des résultats absolument étonnants avec justement cette synergie d'huile essentielle, notamment dans les rhinites, sinusites. Les sinusites, on arrive à les traiter en 8 jours, hein, avec des suppositoires. noir, une lotion qu'on applique localement et des capsules. Ouais. Et on arrive à des très Donc très très bons. Donc c'est une médecine efficace et peu coûteuse. Et surtout en dermatologie également. Et surtout en dermatologie. Notamment dans des abcès, des furoncles, une petite pathologie qu'on voit tous les jours, c'est l'herpès par exemple. Ouais. Au lieu d'utiliser une molécule scandaleuse que j'appellerais la cyclovir, qui ne sert strictement à rien. En local, autant elle sert pour des herpès gravissimes comme des herpès à l'œil par exemple ou des zones à l'œil, là d'accord, mais qu'on n'utilise pas la cyclovir pour des petits boutons de fièvre par exemple, parce que dans ce cas, le bouton de fièvre, au lieu d'arriver une fois par an, bah, au fur et à mesure qu'on va utiliser la cyclovir, il va arriver tous les 6 mois, tous les 3 mois, parce qu'il va y avoir une accoutumance et ça va fragiliser l'immunité. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument, impérativement, pour ces petites pathologies, utiliser les huiles essentielles. Alors, cher docteur, au pluriel, docteur en médecine, docteur en pharmacie, vous constatez que je suis de nouveau attaqué par les virus. Je ne sais pas si ce sont des virus socialistes ou des virus islamiques. En tout cas, le fait est là. Je tousse, j'ai un petit peu les bronches prises. Qu'est-ce que vous me conseilleriez? Sortir de cette mauvaise situation. Donc, je vais compléter l'explication de mon confrère. Bien souvent, le carrefour ORL, c'est-à-dire les sinusites, etc., sont infectés parce que vous avez une infection intestinale. Quand vous avez les toxines, quand vous avez des infections, les toxines, elles n'ont que 40 cm à faire. Sinon, si vous évacuez donc, tout ce qui est intestinal, il y a 8 mètres. La nature est bien faite. Ça remonte dans les sinus. D'accord. Donc, il faut soigner en même temps les intestins. D'accord. Il faut donner des prébiotiques, etc. Prendre de la propolis pour les intestins. La propolis. Oui. Vous pouvez prendre en huile essentielle de la sarriette. Voilà, exactement. Mais je voudrais surtout dire, dans le cas de la... Et eucalyptus aussi, pour bien sûr. Ah, je voudrais faire une petite aparté sur la sinusite. Moi, les 3/4 des sinusites, des gens qui ont les sinusites qui viennent me voir, me consulter à la pharmacie, c'est une utilisation abusive de ces fameux vasoconstricteurs. Moi, ça fait depuis 25 ans que je lutte contre ces vasoconstricteurs qui ne servent qu'à déboucher, qui ne servent à rien. C'est uniquement symptomatique. Alors, les gens, ils sont contents, ils se mettent 2-3 pulvérisations dans le nez. Ah, je respire. Mais le problème des vasoconstricteurs, c'est que, d'accord, on respire bien. Sur le mais coup, ça empêche de couler. Ah. Donc, en fait, ça s'accumule, ça va s'accumuler au niveau de l'ostium, derrière les sinus, et ça va provoquer une sédimentation et des sinusites. Donc, alors, moi, je suis très content, parce que depuis un mois maintenant, on commence à faire des campagnes contre les vasoconstricteurs. Surtout, n'utilisez plus de vasoconstricteurs. Et Michel, ça, c'est bien. Il faut dire qui nous recevons et pourquoi. Bien, alors, moi, j'ai le témoignage d'une auditrice de Radio Courtoisie. Je rappellerai ensuite, enfin je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le journal, le libre journal de la Résistance française, dirigé ce soir par Gérard Marin, qui reçoit le docteur Jean-Pierre Willem, docteur en médecine, chirurgien, spécialiste des médecines traditionnelles, et le docteur Jean-Philippe Zahalka, docteur en pharmacie. Et alors le docteur Willem, il faut rappeler, pour son livre... Huiles essentielles antivirales, la solution naturelle pour lutter contre les infections, publiée par les éditions Trédaniel, et le docteur en pharmacie Jean-Philippe Zahalka. Alors là, c'est vraiment un livre... Une bible. Hein. Moi, je me suis plongé avec un intérêt. C'est remarquablement fait. Ça vous fait plaisir, docteur Zahalka, confrère en médecine. Un dictionnaire, donc, qui a publié ce dictionnaire complet d'aromathérapie. Je l'ai dit, c'est un ouvrage, un dictionnaire qui a été revu, corrigé, complété. Il est extrêmement bien présenté. Hein, tout était classé parfaitement. Et tout est digeste. Et c'est très facile à lire. Ah, c'est d'une limpidité. C'est très clair. J'ai pas voulu de baratin. Non, parce qu'il on voit quelles huiles essentielles il faut utiliser pour venir à bout de telles pathologies. Tout est très, très bien classé, organisé. Et c'est un beau livre donc, qui s'intitule « Le dictionnaire complet d'aromathérapie, 250 huiles essentielles, 32 hydrolats ». Vous nous expliquerez ce que sont les hydrolats. 34 huiles végétales. Voilà. 300 pathologies traitées. Et c'est publié par les éditions du Dauphin. À ce qui me touche beaucoup, c'est que le docteur Willem, finalement, est... admire le travail que vous avez fait. Ah ben non, mais... mais moi, il n'y a pas de faut pas de, être de mesquin, quand même. Faut pas être mesquin, quand même. Mais les ouvrages du docteur Willem sont aussi très, très bien faits. Non, ben écoutez... On se complète tous les deux parce qu'en tant que médecin, il traite par pathologie. Et moi, en tant que pharmacien, je constitue des petites formules, etc. Et ça c'est bien. Alors, je voulais vous lire le témoignage d'une auditrice. Malgré les antibiotiques, les sirops et les suppos, mes 4 enfants étaient toujours malades. Leur mère épuisée d'être à leur chevet. Grâce au docteur Willem, entendu sur Radio Courtoisie, j'ai utilisé les huiles essentielles. Une de mes filles était malade depuis des jours, toussant en permanence. Sa mère l'a massée avec une préparation d'huiles essentielles. Résultat, sa toux s'est arrêtée en 5 minutes. Notre vie de parents a été bouleversée. C'est gentil, c'est gentil. Mais alors, je ne suis pas très d'accord avec les comment on appelle ça, les antitussifs, les sirops, ça parce qu'il faut éliminer. Vous avez un ennemi qui est en vous, il faut qu'il s'en aille de lui-même. Sinon, vous le bloquez. C'est comme le vasoconstricteur de tout à l'heure. Vous le coincez et on n'en finit pas. Et c'est la raison pour laquelle le ministère de la Santé a supprimé beaucoup de sirops non remboursés, qui ne servaient strictement à rien, notamment en pédiatrie. Oui, oui, ça, on va faire continuez, Michel, continuez les messages. Alors, un auditeur pose une question. Comment appliquer les huiles essentielles sur le corps? Et une auditrice, y a-t-il des huiles essentielles pour le sommeil? Et un auditeur nous dit, il paraît que l'oignon coupé en deux et posé sur une assiette a des vertus antibactériennes et virales, préventives et curatives. Qu'en pensez-vous? Alors, l'oignon... O-I-G-N-O-N, pour l'instant. Ah oui. Il n'y a pas de circonflexe dessus, quand même. Bon. Non. Qu'est-ce que c'est que c'est? Enfin, oui, bon, non, mais, non, mais c'est une petite anecdote de fait. Quand vous mettez, vous dormez la nuit, vous coupez votre oignon et le lendemain, il est noirâtre, paraît-il. Oui. Donc, ça suppose, mais ça absorbe. Mais dans quelle mesure où ça envoie ses vertus au niveau du carrefour ORL, on est quand même plus au Moyen-Âge. Hein. Mais enfin, c'est une belle anecdote. Alors, pour répondre à la première question, comment les appliquer sur le corps? Alors, chère madame, ça dépend déjà de l'huile essentielle. Hein, et si c'est pour un adulte ou un enfant ou un nourrisson. Bon, si c'est pour un tout petit, à partir de 6 ans, il faut... à partir de 3 ans, on peut commencer à utiliser certaines huiles essentielles à condition de les diluer à peu près à 10%, c'est-à-dire dans une cuillère à café d'huile d'amande douce, on va mettre 2 gouttes. Par exemple, bon, il faut savoir que d'une façon générale, pour les huiles essentielles que l'on peut utiliser par voie cutanée, plus on va les diluer, plus cette huile essentielle va pénétrer profondément dans l'organisme. Plus on va l'utiliser pure, plus on va rechercher un effet immédiat. Par exemple, le Ravensar dont on parlait tout à l'heure, on va l'utiliser pure en friction pour couper tout de suite la fièvre et les tremblements, etc. Hein, donc ça c'est très important. Hein, c'est un médicament de choc. Hein, c'est un médicament de choc, voilà. Donc, il faut bien comprendre ça. Et puis, en fonction des huiles essentielles, alors si on veut absolument utiliser une huile essentielle, un petit peu irritante comme la sarriette, alors ça là, il faut la diluer au moins à 10%. Vous voyez donc, c'est très important. Très important. Oui. Il faut savoir qu'il y a une classification dans les huiles essentielles. Vous en avez qui sont plus spécifiquement calmantes, antispasmodiques. Il y en a qui font fondre les graisses, etc. Et nous, celles qui nous conservent, ce sont les phénols, les plus actives, mais qui sont dermocaustiques. Voilà. Vous avez les monoterpénols qui sont beaucoup plus, qui n'ont pas de ces inconvénients et qu'on réserve aux enfants. Et puis vous avez les aldéhydes comme les cannelles. Vous avez 2 catégories de cannelles, de Chine et de Ceylan. De Ceylan, oui. Et du Japon, non, il n'y en a pas encore. Voilà. Et qui sont les 3, on emploie donc les 3, ce qui représente à peu près 15 huiles essentielles. Avec cela, on fait le tour de toute l'infectiologie. Voilà, surtout la cadelle au niveau intestinal qui est absolument remarquable, remarquable, très riche en phénol et qui est extrêmement puissante, que je recommande d'ailleurs systématiquement pour des gens qui voyagent dans des pays chauds et qui est 10 fois, voire 20 fois plus efficace que les loperamides et compagnie. Hein, moi, je l'ai testé... personnellement en Afrique, et c'est absolument redoutable. Elle est très polyvalente. Le mélange de cannelle, de sarriette et de basilic, là, on couvre pratiquement l'infection, la diarrhée et l'espace. Le basilic est antispasmodique et la sarriette antibactérienne. Et la cannelle, moi, je la potentialise par le condiment, la poudre. Vous pouvez mettre, en principe, c'est sur ce qui est sucré. Par contre, vous mettez du curry sur ce qui est salé. Parce qu'il y a toujours un phénomène inflammatoire, puisque c'est une infection, donc vous calmez l'infection. On parlait du cumin, du curcuma. Alors le curcuma seul ne marche pas, il faut du poivre. Or, vous voyez le génie des peuples en Inde, eh bien, ils ont mis au point le curry, qu'on appelle aussi curry, dans lequel il y a du gingembre, donc pour la digestion peptique, comme on dit. Vous avez deux variétés de poivre et vous avez du curcuma. Vous mettez ça gentiment sur tout ce qui est salé, sur le riz, etc. Et vous stoppez l'inflammation parce que c'est un cofacteur, enfin une conséquence de l'infection. Et donc, et vraiment, vous réglez le problème. Mais votre passion à tous les deux est évidente. Et j'aimerais savoir, docteur Zalka, comment concrètement vous y êtes pris pour tester précisément, pour doser tous ces huiles essentielles, pour préparer toutes ces... ces savants mélanges, enfin tout ça c'est très compliqué. Cher monsieur, c'est la chimie. C'est la chimie qui nous guide. Bon, en tant que pharmacien, on fait 5 ans de chimie pratiquement. Oui, oui. Mais le parallélisme est fait. On utilise beaucoup la chimie de synthèse pour ne pas... Pourquoi ne pas utiliser les molécules naturelles? Je vais vous prendre un exemple. Je vais vous prendre la fameuse Gaultérie, où c'est la seule huile essentielle qui produit pratiquement 99,95% de salicylate de méthyle. Elle n'a que deux molécules. Mais c'est extraordinaire. Et c'est pour ça, moi, je suis passionné. Parce que chaque plante aromatique, pour moi, c'est une petite usine chimique. La Gaultérie, c'est une usine chimique qui fabrique, grâce par l'intermédiaire de la photosynthèse, etc., le salicylate de méthyle que tout le monde connaît, puisqu'on le retrouve dans beaucoup de pommades, le baume Saint-Bernard, etc. Je ne vais pas les citer. Tous les sportifs connaissent cette odeur, mais pourquoi ne pas utiliser, au lieu d'utiliser le salicylate de méthyle de synthèse issu du pétrole, autant utiliser ce salicylate de méthyle fabriqué par cette merveilleuse petite plante qui est la Gaultérie. C'est sûr, c'est sûr. Avec un résultat, mais 10 fois plus efficace, puisqu'il n'y a que ça. Il n'y a pas de terpènes derrière comme la chimie de synthèse. Il n'y a que deux molécules. Comme le boulot jaune. Le boulot jaune, 98%, il n'y a que deux molécules. Exactement. Parce que des molécules comme la lavande, il y a 300 molécules dedans. Là, il n'y en a que deux, c'est spécifique. Là, on ne discute pas. Bon, vous savez, la Gaultérie coûte un peu plus cher quand même que... Moi, je tiens compte du prix ça un fait peu. Pas beaucoup plus. Non, la Gaultérie fait partie des huiles vraiment Ah bon, cher. Parce qu'à une époque, c'était on quand même cher. On sort à 3,80. Alors, question pratique. C'est pas une huile chère. Pensez-vous qu'avec vos livres, Huiles essentielles antivirales du docteur Jean-Pierre Willem et dictionnaire complet d'aromathérapie du docteur en pharmacie Philippe Zalka, on puisse... Je parle pour les maladies courantes, banales, comme ces maux de l'hiver là, dont on a dit un mot tout à l'heure, qu'on puisse se soigner efficacement sans consulter un praticien. Maintenant, il y a des mamans qui les mamans sont intelligentes. Il y a quand même 40% de Français qui connaissent les huiles essentielles, sont dans les médecines dites douces, qui ne sont pas douces. Parce que ce qui est doux, ça veut dire que ça ne marche pas. C'est alternative ou complémentaire ou ce que vous voulez. Mais pas douce. Mais elles font de l'automédication. Attends, mais moi, je mets quand même un bémol dans tout ça. Moi, je veux bien que tout le monde utilise les huiles essentielles, mais à condition d'établir avant un diagnostic. Voilà. Le diagnostic, il est fait par qui? Le diagnostic, il est fait par qui? Il est fait par le médecin. Voilà, à partir de l'instant... C'est la sagesse. Ah mais oui, non mais... À partir de l'instant où on connaît le diagnostic et on sait ce que l'on a, là je suis d'accord pour utiliser toutes les huiles essentielles et... Mais je pense, je comprends, vous êtes un homme sympathique et ouvert. Vous avez écrit un ouvrage absolument remarquable et très clair. Je comprends, docteur Zalka, qu'on vienne vous consulter pour des choses courantes. Hein, je parle pas... Bon, et je pense que vous êtes le premier à dire, comme vous avez du flair, vous constatez que c'est quelque chose de sérieux. Vous êtes certainement le premier à dire qu'il faut consulter un médecin. Mais bien sûr. Il faut quand même un peu de bon sens dans la. Bien sûr, mais il y a beaucoup de personnes qui tapent sur Internet et qui voilà et qui. Oui. Ça, je veux dire, à la base, il faut vraiment connaître le diagnostic et puis après, bon, demander conseil à son pharmacien, aromathérapeute. Il y a quand même des contre-indications qu'on signale d'emblée dans tous les livres. Bien sûr. Des photosensibilisations. Il y a des précautions d'emploi. Ah oui, mais enfin, pas tellement, mais enfin, il faut les connaître. Et il faut se méfier aussi de ne pas le donner chez certaines femmes les 3 premiers mois quand elles sont enceintes et chez les enfants. Il ne faut pas systématiquement dire « Ah non, je ne vais pas consulter un médecin pour faire des économies à la sécurité sociale. » Il faut se méfier quand même de l'automédication. Non, on élargit un petit peu parce que pour ne pas qu'on ait des retombées négatives. Voilà, évidemment, s'il y avait un pépin, mais enfin, il n'y a pas beaucoup de risques. Il y a quand même des huiles essentielles, il faut faire attention. Il y a l'hysope, moi une fois, avec une goutte d'hysope, elle est tombée en hypothymie. Ah oui. Une goutte. Bien sûr. Alors, il y a des huiles essentielles toxiques. Extrêmement toxiques. Bah, la plus toxique, c'est l'huile essentielle de thuya, qui est en forme une cétone, qui est la thuyone, et qui peut être à l'origine de coma et d'arrêt cardiaque. Ah oui, non, mais c'est une huile extrêmement toxique que moi j'utilise dans un cas particulier, ce sont les verrues. Voilà. Les verrues, je mélange avec d'autres huiles essentielles. Là, il n'y a aucun souci. Il y a l'hysope, comme vous le disiez. Et puis, il y a par exemple la série des cétones. Mais il faut faire attention aux cétones parce qu'elles peuvent générer une épilepsie. Alors, la nature, elle est quand même bizarre. Par exemple, vous avez le persil. Le persil est très épileptique, en plus abortif. Les faiseuses d'anges employaient... Autrefois, exactement. Mais le persil frisé est anti-épileptique. Comment vous expliquez ça? C'est quand même un farceur. Hein, je soigne, ça marche 3 mois. Je mets une goutte sur les poignets des enfants, puis après 3 mois, il y a un échappement. Bon, mais attention, donc, faut bien que les gens qui nous écoutent fassent attention, hein. Le persil classique, qu'on appelle le Petrocellinum sativum, il est toxique. On peut l'employer, mais il y a un risque. Tandis que le Petrocellinum crispum, il est anti-épileptique. Mmh. Donc, la même famille, il y a des bizarreries. C'est pour ça qu'il faut le mettre un petit peu... Il faut se méfier comme les champignons, quoi. Comme les champignons. Et puis, il faudrait aussi juste ajouter une petite aparté. C'est que dans une même espèce, comme le romarin, va développer des chémotypes différents. Alors, le chémotype, c'est-à-dire, vous allez prendre le romarin, le romarin de Corse n'aura pas la même propriété que le romarin du Maroc ou le romarin de province. Parce que, en fonction, c'est comme le vin, en fonction. Et l'huile. En fonction du soleil, de la terre, du terrain, etc., cette petite plante va développer une molécule chimique différente. Alors, ça va être le romarin à verbenone qui va avoir une action hépatique. Ça va être le romarin à 1,8 cinéol qui va avoir une action antiseptique pulmonaire. Ouais. Et puis, ça va être en province, le romarin camphré qui va être utilisé dans les rhumatismes, etc. Une même espèce, Rosmarinus officinalis. Mais c'est incroyable. La nature est extraordinaire. Ah oui. C'est ça qui vous a le plus étonné dans les effets de certaines plantes. Hein, Par exemple, l'eucalyptus, vous avez 200 variétés d'eucalyptus. Au Portugal, il y en a 50 variétés qui sont cramées chaque année, exactement, du reste. Et la lavande. Et la lavande, il y en a. Et chaque, chacune a sa spécificité. Oui, oui. C'est ça qui est... Et on ne les a pas toutes étudiées. Hein. Bon, on en a mis trois, quatre de côté. Il y a énormément de travail encore à faire. Mais alors, les indications, par exemple, il y a aussi les maladies nosocomiales. Ah, les maladies nosocomiales, bon, c'est évident. De même, quand vous avez des problèmes dans les blocs opératoires, etc., vous avez des huiles essentielles que vous faites en diffusion, ça nettoie vraiment tout le bloc opératoire, par exemple, dans lequel on retrouve le Celone. Et comment on pratique ces diffusions? Il y a des petits appareils. Non, vous avez un appareil, il ne faut pas prendre... Moi, je suis contre les appareils qui chauffent, parce qu'elles crament les huiles essentielles. Ce sont des diffuseurs atmosphériques, ça coûte 30 euros. Mmh. Vous en mettez, par exemple, pour la grippe, là, tous ceux qui me connaissent, ils l'ont acheté, et alors deux fois par jour, pendant 20 minutes, vous mettez 10 millilitres à peu près, ça va durer quelques... De quelle huile? Par exemple, pour la grippe, c'est mes deux eucalyptus, vous pouvez mettre aussi, niaouli n'est pas diffusible. Il faut faire attention. Il faut prendre des diffusibles. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc les deux eucalyptus et puis aussi les rutacées. On n'a pas parlé tout à l'heure. Les agrumes. Les agrumes, on ne les distille pas. C'est par expression. Vous savez, quand on était enfant avec les oranges, on s'envoyait des giclées avec l'écorce. C'est ça qu'on récupère. Ça. Et on appelle ça essence. On ne dit pas huile essentielle. Toutes les agrumes, c'est la famille des rutacées. L'essence de citron, c'est un antiseptique majeur. Majeur qu'on peut employer. Ça ne coûte pas cher. Hein. Non. Donc on est entouré vraiment de... C'est un jardin, jardin médicinal. En dermatologie, il y a une huile, moi, que j'adore et que je conseille presque tous les jours parce que je suis entouré d'écoles. C'est l'hélicryse, qui est une huile qui a un pouvoir, mais au moins 100 fois plus puissant que l'arnica, contre les hématomes, les bleus et les bosses. Vous en mettez quelques gouttes pures sur un hématome ou une bosse, en l'espace de 30 minutes, la bosse est réservée, est résorbée. C'est extraordinaire. Il y a des huiles, comme l'inule odorante, qui est une huile mais exceptionnelle. Une huile précieuse. La mucoviscidose, elle est... Extraordinaire. Elle fluidifie les mucosités. Important. Il y en a 8 qui... Mais alors, pour revenir à l'hélicryse, vous savez, son surnom, c'est l'immortel. Et alors, moi, j'en prends, et beaucoup d'explorateurs en prennent, c'est un fluidifiant sanguin. C'est-à-dire, si vous avez un infarctus, attention à ce que je dis, c'est évidemment, comment on appelle ça, les secours, etc., on sent beaucoup plus... Mais quand vous êtes dans le désert ou dans l'avion et tout, alors là, vous faites un embaumement. Vous prenez 20 à 30 gouttes d'hélicryse italienne que vous mettez donc face au cœur avec de l'ilang-ilang et de la kella. Qui va donner la kéline, qui est un vasodilatateur. Bon, c'est mieux que rien, mais vous pouvez gagner du temps et puis pour... Ça peut vous sauver la vie. Et oui, quand vous faites de l'exploration, etc., à partir d'un certain âge, un chef d'entreprise qui est stressé en burn-out et tout, à 45 ans, il peut faire son infarctus. Donc, le créateur nous a offert un jardin extraordinaire pour nous soigner. Quoi. Oui. Et puis alors, encore une autre notion, c'est-à-dire que vous avez les huiles essentielles dans les pays, enfin dans les continents, qui correspondent aux pathologies. Exactement. On parlait de la cannelle. L'Inde. La cannelle de Ceylan. Parce qu'il y a beaucoup d'infections en Inde. Voilà. Il y a beaucoup d'infections et c'est pour ça qu'ils sont à l'affût de tout cela. Michel. Alors, on vous remercie, messieurs, pour cette émission très enrichissante. Et nos auditeurs voudraient savoir s'il y a des huiles essentielles pour soigner l'acné rosacée, les infections dentaires à répétition. Est-ce que les huiles essentielles peuvent protéger les yeux de glaucome, protéger aussi contre l'arthrose? Peut-on se protéger des produits chimiques contenus dans nos aliments? Une auditrice nous dit « Depuis 25 ans, je prends de l'amande poivrée et de l'eucalyptus. Je ne suis jamais malade et j'ai 85 ans. » Une auditrice, « Les huiles essentielles prises par voie orale sont-elles toujours irritantes pour l'estomac ?» C'est une personne qui a des gastrites. Et donc, peut-on être allergique aux huiles essentielles? Bonne question. Gravement allergique. Voilà. On va peut-être répondre à la première question. Oui. Sur l'acné, Par exemple, bon, oui. Trois huiles essentielles majeures, le titri, le laurier, le géranium. Mélange à partie égale, 2-3 gouttes sur chaque bouton, matin et soir. En 15 jours, le bouton y tombe. Très puissant antibactérien, l'association des trois huiles. Ça, c'est un exemple, voyez. Oui. Et tout cela est dans votre dictionnaire. Voilà, il y a les formules. Les formules. Voilà, régulièrement. J'ai dit que ce dictionnaire complet d'aromathérapie, 250 huiles essentielles, 32 hydrolats, 34 huiles végétales, est publié par les éditions du Dauphin. C'est un livre qui coûte moins de 25 euros, exactement 24,90 €, qui est une bible. Je crois que le docteur Willem l'a dit tout à l'heure, il a parfaitement raison. Et donc, vous trouverez, amis auditeurs de Radio Courtoisie, hein, des réponses à toutes vos questions concernant telle et telle et telle pathologie dans ce dictionnaire qui a été, je l'ai dit et je le répète, qui a été revu, corrigé et complété et qui est extrêmement facile à lire. Moi, je vais vous dire, quand on se plonge dans ces livres, comme dans les huiles essentielles antivirales du docteur Willem, c'est un peu comme quand on lit un roman policier, on a envie d'en savoir plus, on a envie, on est, je sais pas, moi ça m'a fait un effet bizarre, comme si on était à la recherche du remède miracle, quoi. C'est quelque chose, c'est assez passionnant, je veux dire, même quand on est un profane. Hein. Dans les ouvrages du docteur Willem, il y a toute son expérience de chirurgien aussi qui ressort. Et d'anthropologue. Il a une connaissance des pathologies rares, je veux dire, et donc à partir de là, c'est très facile après d'associer des huiles essentielles, etc. C'est ça. Je suis rentré en religion. Vous savez que j'ai été le dernier assistant du docteur Schweitzer en 64. Il y avait une pathologie qu'on appelait l'ulcère phagédénique. C'est un fusospirillaire, c'est-à-dire les antibiotiques ne marchent pas. Et il les mettait en dehors de l'hôpital tellement ils sentaient mauvais. Ils étaient en putréfaction. J'ai retrouvé la même chose donc quand j'ai fait mon service militaire à la coopération au Rwanda et c'est-à-dire, cette infection, elle attaque la peau et les os. Et les gens se suicidaient. Des jeunes gens, cutanés au départ. Et moi, comme je suis chirurgien, je coupais des jambes, puis je voyais plein d'unijambistes, puis je me suis dit, c'est pas possible. Et un soir, je fais toujours ma petite prière, il y a eu l'inspiration qui est venue. J'ai pensé, alors là, je rejoins ce qu'il a dit tout à l'heure, je me suis dit, mais pourquoi les momies sont conservées? Pourquoi il n'y a pas de putréfaction? Et je me suis dit, parce que c'était pas des huiles essentielles. Le premier alambic, c'est en l'an 1000, c'est Avicenne qui a découvert, qui est la même que maintenant. Avant, c'était des extra aromatiques. Je me suis dit, la phase d'après, qui est beaucoup plus concentrée, mettons-en. Mais moi, j'ai mis de l'eucalyptus radiata, il y en avait. Trois semaines après, c'était aplani, et puis bourgeonnement le quatrième. Ça a fait un succès énorme. C'est comme ça que le Che Guevara, qui combattait dans le coin, a fait une jonction avec moi. Lui qui connaissait déjà les huiles essentielles. Et quand je suis allé à Cuba, d'abord pour enseigner à la faculté, il avait un institut où il y avait déjà des huiles essentielles, vous voyez. Et on remonte, on est en 66. Vous voyez, c'est pas... Oui, je me souviens, c'est... nous avions raconté, j'ai raconté votre vie... À ce micro, cher docteur Willem, de ce fameux livre absolument extraordinaire, hein, parce que vous avez eu une existence plus que remplie, hein, on peut dire. Vous avez participé à je ne sais combien de conflits, enfin bref. Eh bien, je me souviens très très bien de cette anecdote. Ah oui. En tout cas, docteur Willem, docteur Zalka, vous passionnez les auditeurs de ce libre journal de Radio Courtoisie, parce que les messages ne cessent d'arriver. Hein. Et les messages des auditeurs, c'est la preuve, évidemment, de l'intérêt qu'ils portent à ce que vous dites. Allez-y, alors. Oui, un auditeur de Radio Courtoisie. Alors, pouvez-vous nous parler des propriétés de l'huile ciste? Et on nous dit qu'il faudrait réinviter le docteur Willem et le docteur... On est disponible. Alka, on peut. Indépendamment l'un de l'autre, car comme ce sont deux génies, il leur faut un large espace libre pour pouvoir s'exprimer. Alors je vais répondre pour la ciste, la danifère, parce qu'elle me plaît. Cette huile essentielle, elle est pour les pathologies auto-immunes. Vous savez que 6 millions de Français ont des pathologies auto-immunes, la thyroïde d'Hashimoto. Dont la pelade. Vous avez 64 pathologies auto-immunes. Et ou hétéro-immunes, comme par exemple la maladie de Lyme et l'Alzheimer. C'est hétéro-immune, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement d'anticorps et tout qui ont attaqué tout ce qui était agressif, qu'il y a eu un bouleversement avec les lymphocytes B, etc., qui ont basculé vers la maladie auto-immune. Il n'y a pas de parade officiellement. Et j'ai mis au point une formule qui s'appelle immunorégule, et dedans, j'ai mis la seule huile essentielle qui est anti-auto-immune. C'est la cyste, la nénuphère. Je ne sais pas comment cet homme, enfin, ou cette femme, elle met ça en avant, parce qu'elle est unique. C'est elle est anti-hémorragique aussi. Oui, oui. Oui. Coagule vite, oui, en plus. Saignement de nez, très intéressante. Une huile précieuse, anti-rides aussi. Oui. Un auditeur et une auditrice vous demandent si les appareils électriques qui diffusent les huiles essentielles sont efficaces. Ben, elle crame l'huile essentielle. En fait, il y a deux sortes de diffuseurs. Il y a le diffuseur classique avec un petit moteur compresseur où on met l'huile essentielle pure dans l'alambic. Et c'est vrai que c'est une très bonne qualité parce que c'est très concentré. Et puis maintenant, il y a les nouveaux diffuseurs qui font à la fois ioniseurs et les fameux diffuseurs ultrasons qui sont très bien, économiques, puisque l'on met de l'eau et on met à peu près 10-15 gouttes dans l'eau. Et il y a une diffusion à froid. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on va pouvoir le diffuser sur une heure, voire deux heures, voire trois heures. Donc c'est préférable. Ah oui. C'est vrai que maintenant, on en vend de plus en plus. Alors, plusieurs messages demandent s'il y a une huile essentielle pour le sommeil. C'est toutes les huiles essentielles calmantes. Il y a le néroli, surtout le néroli, la verveine citronnée aussi, qui marche bien, et puis, et le basilic aussi, c'est antispasmodique nerveux. Tout. Voilà, s'il y a un petit peu d'anxiété, on peut faire des mélanges intéressants avec ça. L'ylang-ylang aussi, en application cutanée, ou la lavande, la fameuse lavande dont on parlait tout à l'heure. On n'est plus dans les huiles essentielles, il y a la L-glutamine. On vient de découvrir que vraiment, elle marche dans la dépression, elle marche dans le sommeil. Et puis alors, ce que je ne devrais pas dire, elle est un aphrodisiaque pas possible. Mais ça coûte cher en France, il faut l'acheter. Il faut prendre une cuillère à café dans l'eau froide, matin, midi, soir. C'est vraiment le miracle. Tous les hommes sont en train de copier ou ils vont vous rappeler. Qu'est-ce qu'il a dit, le docteur Willem? L-glutamine, monsieur. Plusieurs messages nous demandent si où se trouve la pharmacie du docteur Zalka. Je vous communiquerai l'adresse après l'émission. Parce que malheureusement, on n'a pas le droit de faire de publicité. Et nos auditeurs pourront appeler la radio. Voilà. Alors, nous avons un auditeur qui est navigant aérien depuis 26 ans. Et il demande contre l'aérotoxicite. Peut-on se soigner avec des huiles essentielles contre cela? Et donc, c'est dû. L'aérotoxicite, c'est donc dû aux résidus d'huile de moteur qui sont injectés dans la cabine. Il faudrait d'abord des chélateurs, on peut toujours. Il y a beaucoup d'huiles essentielles diffusibles, il faut les essayer, quoi. Moi, j'en ai parlé dans mon livre, dans le premier, qui s'appelait Le secret des huiles essentielles, ou des diffusibles. Ça, c'est évident. Oui, j'ai. Et c'est incroyable, c'est que les pilotes et les hôtesses de l'air connaissent bien les huiles essentielles. Je leur avais fait ils avaient exploité à un moment donné dans Principe de Santé, il y avait le SRAS à une époque. Et j'avais fait un article sur le SRAS, ils l'ont découpé, ils l'ont mis sur l'ascenseur et ils l'ont pris pour aller au Vietnam, etc. Oui, vous avez parlé de la maladie de Lyme tout à l'heure et c'est une ancienne surveillante générale des hôpitaux du groupe Necker-Pompidou qui vous connaît, docteur Willem. Et vous vous êtes rencontrée au Gnome. Oui. Voilà. Et elle est atteinte, cette personne, de la maladie de Lyme. Elle a perdu l'usage de ses jambes et aucun traitement ne donne de résultats. Que lui conseillez-vous? Eh bien, avec toute sa sympathie, bien sûr. On n'a pas parlé de l'immunité. Vous avez beaucoup d'huile, surtout les phénols, qui relèvent l'immunité. Et j'ai mis au point donc une formule qu'on appelle Stimu+, qui marche très bien dans la maladie de Lyme. Alors, je vais donner quand même mon site. Hein, si pour les gens peuvent le copier, alors, ça s'appelle association-biologique-international.com. Et alors, j'ai donné donc la forme, j'ai fait un long texte sur la maladie de Lyme, sur le virus Zika. J'en ai fait, la semaine dernière, j'en ai fait un sur Alzheimer, 32 000 appels en 3 jours. 32 000 appels. Ça ne me surprend pas. Et puis je vais faire le traitement parce que ça a beaucoup évolué. On stabilise maintenant avec des produits dont je vous parlerai parce que vous êtes concerné au premier plan. Et alors, donc, vous trouverez tout cela, donc, madame, sur le... Mais si vous avez un problème, vous me l'envoyez, et puis je... Il me faut toujours une batterie d'examens. Parce que moi, je travaille sur les analyses. Avec les analyses, je vois s'il y a de l'inflammation, etc., si le foie est perturbé. Et je peux dépanner, mais je suis débordé parce que ça arrive de partout. J'ai mis aussi des formules, 4 formules anti-cancer, dans lesquelles apparaissent les huiles essentielles dans Azarium, et qui sont efficaces. Et il y a un professeur de cancérologie qui est très connu, qui fait fortune, du reste, il voyage en hélicoptère, ça coûte 700 euros la consultation. Et beaucoup, puisque je soigne les people, ont été voir, il y en a 4 que j'ai soignés, peut-être guéris, qui ont été le voir, disant, il y a le docteur Willem. Alors, il a fait son petit institut à côté, et il m'a envoyé ses assistantes dans ma faculté pour récupérer un petit peu, pour voir comment ça se goupille. Il s'ouvre. Mais un peu, ils travaillent comme nous dans les catacombes. Hein, Mais ils s'ouvrent aux médecines naturelles. Ah oui, maintenant c'est... Ça fait quand même un changement de toute façon, important. Moi je suis persuadé que dans les 30 ans à venir, on va utiliser de plus avant, en plus... Avant 30 ans. On va utiliser de plus en plus l'aromathérapie, parce que ça va être la seule science maintenant, vu toutes les inconvénients des antibiotiques et les résistances, il va y avoir un moment où il n'y aura plus de nouvelles molécules. Donc, naturellement, on sera obligé de se tourner vers l'aromathérapie. Il n'y a qu'à voir le nombre d'auditeurs à Radio Courtoisie, je ne sais pas combien il y en a, ça fait une information. Et puis, il y a le bouche à oreille. Ah, ben c'est certain. Donc, ça communique. Moi, j'ai une question toute bête, peut-être idiote d'ailleurs, à vous poser, c'est comment s'explique les pouvoirs des huiles essentielles. Comment agissent-elles? C'est la concentration. C'est la distillation. Bon, c'est ça. Vous avez déjà bu un peu d'eau de vie, quand même. Oui, bon, oui. Ça change de, je sais pas, de la bière ou ce que vous voulez. C'est sûr. Vous en prenez pas, vous prenez un peu plus qu'un dé à coudre. Il y a là aussi la pureté de la molécule chimique. C'est extrêmement important, parce que vous allez prendre, je reviens à ce salicylate de méthyle de synthèse, c'est fait à partir du pétrole, les hydrocarbures. Toute la chimie de synthèse repose sur les hydrocarbures. Eh bien, à partir de l'instant où il y a une synthèse, il y a automatiquement des résidus, notamment des résidus terpéniques et de goudron et des choses comme ça. Avec l'huile essentielle, ça n'existe pas. La petite plante, elle va fabriquer des molécules, mais d'une pureté, mais absolue. Et ça, c'est extrêmement important contre un microbe ou contre un virus. Oui, je comprends. Oui. Donc, au niveau de l'efficacité, il n'y a pas de copie. Et il ne faut pas des quantités énormes. Il n'y a pas de copie, c'est la molécule pure. 4 gouttes par jour. Quelques gouttes. Et ça suffit. Sauf quand il y a des grosses infections, il faut y aller massivement parce qu'il faut prendre le temps sur l'infection. Quoi. Cher Michel, il faut rappeler qui nous recevons. Alors, vous écoutez les Radio Courtoisie, le libre journal de la Résistance française, dirigé ce soir par Gérard Marin, qui reçoit le docteur Jean-Pierre Willem pour son ouvrage « Huiles essentielles antivirales » aux éditions Trédaniel, et le docteur Jean-Philippe Zahalka pour son dictionnaire complet d'aromathérapie aux éditions du Dauphin. Alors, une auditrice... Et plusieurs auditeurs, d'ailleurs, demandent le prix des huiles. Alors, c'est extrêmement variable. Ça peut aller de 3 euros jusqu'à 20 000 jusqu'à 180 euros pour l'huile essentielle de jasmin, c'est la plus chère, le jasmin, après la rose. Ah bon. Après, c'est la rose. La rose, oui. Hein, le jasmin est une huile... Et puis le crocus aussi. Le jasmin n'est pas une huile très intéressante parce qu'on l'utilise... C'est le parfum. Surtout, voilà, surtout pour son parfum. On laisse ça pour grâce. La rose, voilà. On va le... Exactement. Et donc, c'est très variable. Hein. Mmh. En moyenne, c'est entre 6-15 euros, voilà. Ouais. C'est accessible. C'est accessible. Oui. Une auditrice, y a-t-il des contre-indications aux huiles essentielles pour la spasmophilie, l'hypertension et les anticoagulants? Non, apparemment, peut-être, oui, anticoagulants, il faut faire attention. Oui. Il faut faire attention, vous avez des huiles qu'on appelle folliculine-like, c'est-à-dire qui ressemblent à l'œstrogène. Par exemple, si vous avez un cancer chez les hormonodépendants, c'est-à-dire un excès de folliculine, il faut freiner. Alors, si vous donnez une huile essentielle qui est folliculine-like, mais vous avez aussi d'autres qui sont cortisone-like, comme le pain, quand vous êtes en hypotension, vous prenez donc et vous massez les surrénales. Quoi. Alors, question d'un auditeur de Radio Courtoisie, qu'est-ce que le psyllium blond? PSY2LUE. Ah, c'est le psyllium blond. Psyllium. Ça, c'est une graine qui est excellente pour les rectocolites hémorragiques, maladie de Crohn et quand on a une diarrhée. C'est-à-dire, c'est un peu comme l'agar-agar, ça gonfle dans l'intestin et ça permet de régulariser votre transit. Moi-même, j'en prends en ce moment, voilà, et ça fait du bien, mais pour les rectocolites, les Crohn, toutes les colites, etc., c'est pas trop anti-infectieux, c'est une action plutôt mécanique. C'est-à-dire que ça gonfle, oui. Alors, un couple d'auditeurs qui va bien sûr acheter vos livres, leur fille est atteinte d'une bactérie ou virus, alors Escherichia coli. Escherichia coli, voilà. Oui. Alors, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Escherichia coli, je vais vous donner la formule, c'est le romarin à cinéole, le thym à tujanol et niaouli. Mais, il faut faire attention, l'Escherichia coli, cette petite bestiole, elle se dépose sur la muqueuse. Alors, par une action mécanique, c'est la canneberge. La canneberge peut sauver l'affaire, ou la cranberry en anglais. Oui. Donc, vous prenez canneberge, chez le laboratoire Fenu ou je ne sais pas où, et les trois, romarin à cinéole, thym à tujanol et niaouli. Vous faites par exemple 25 mg, une formule 25 mg de chaque. Et puis vous faites votre formule. Je voudrais juste signaler que vous faites très bien d'en parler. Le thym tujanol est un thym absolument remarquable. Dans les hépatites. Moi, de tous les thyms, c'est un thym qui a une action extrêmement précise et très puissante par rapport au thym thymol qui est beaucoup plus lourd. Le thym linalol qui est un peu doux plus pour les enfants. Le thym tujanol est remarquable. Le seul petit souci, c'est qu'il est beaucoup plus cher, voilà. Là, il est cher, mais c'est un thym remarquable. Alors, un auditeur, cotisant, précise-t-il, remercie le docteur Willem pour ses remèdes miraculeux avec Fit Innov et vous pose la question suivante, quel est le traitement de l'herpès avec les huiles essentielles? Alors là, c'est vous qui allez répondre. J'ai une formule que j'ai mise au point il y a une dizaine d'années et qui est redoutable parce qu'elle est antivirale et anti-inflammatoire et permet le séchage, si je peux m'exprimer ainsi, de ce bouton de fièvre en l'espace de 24 heures, à condition de l'utiliser dès cette sensation de picotement, de démangeaison et de brûlure. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette formule? Eh bien, j'ai mis du titri, j'ai mis, qui a une action, disons, antibactérienne, j'ai mis, bien sûr, du Ravensar, parce que l'herpès, c'est un virus, Hein, c'est la famille des herpès virus classiques que l'on retrouve dans la varicelle. J'ai mis de l'eucalyptus citronné pour éviter cet effet, disons, d'inflammation. J'ai ajouté de la lavande pour cicatriser et apaiser cette brûlure, et avec un petit peu de menthe à une proportion, disons, de 5%. Et l'ensemble de ces 5 huiles essentielles arrive à juguler cet herpès en l'espèce de 24 heures, alors qu'une pommade, comme je disais tout à l'heure, à base d'acyclovir, non seulement l'herpès va mettre 15 jours à partir, mais il va revenir 6 mois après, parce que le problème de l'acyclovir, c'est qu'il diminue le point d'immunité et fragilise justement l'organisme. Pour l'herpès, qui est de la famille aussi du zona, en homéopathie, il faut mettre vaccinotoxinum 15 CH. Exactement. Hein, voilà. une dose par mois pendant 3 mois. Voilà. Alors, une auditrice de Radio Courtoisie qui nous dit « J'ai annulé un rendez-vous pour vous écouter. Émission excellente. » C'est adorable. « Y a-t-il un produit contre la narcolepsie ?» D'abord, c'est une maladie auto-immune. Hein. C'est une maladie auto-immune. Il faut prendre le produit que j'ai mis au point avec la cisladanifère qui est immunorégule chez Fitinov. Et puis, on a quelques... Mais enfin, c'est pas évident. Il n'y a pas... Il n'y a pas de miracle. Hein. C'est une maladie auto-immune. Et vous avez des athlètes qui ont cela. Alors, vous savez, quand vous tombez de sommeil sur le volant... J'ai un message un peu long d'une auditrice qui nous dit « J'écoute avec grande attention votre émission sur les HE. Je me soigne avec depuis plus de 30 ans. Mais de plus en plus, je m'entends dire, quand je veux m'approvisionner, désolé, ce n'est plus autorisé à la vente. Exemple, la sauge officinale. Comment me les procurer ? Ah oui. Et j'ai deux questions à vous poser. Premièrement, l'huile essentielle de cyprès, en usage interne, est accusée, étant une résine, de se déposer sur la paroi des intestins et d'être à l'origine de polypes. Est-ce vrai ? Deuxièmement, l'huile essentielle de thuya est-elle toxique à dose élevée et à quelle dose ? Sincère salutation, vous êtes honneur à Hippocrate. Alors, l'hysope officinale est réservée aux pharmaciens pour leur préparation magistrale et interdit à la vente, sauf sur prescription. Moi, je conseille à cette dame d'utiliser plutôt l'hysope à rameau couché qui est en vente libre et qui, en général... Procubens. Voilà, l'hysope Procubens. Voilà. Sinon, il faut une prescription médicale, bien sûr, par son médecin. Mais de toute façon, l'hysope est utilisé vraiment avec énormément de précautions à cause de ses effets convulsivants et très toxiques sur l'organisme. Le cyprès, c'est une huile essentielle magnifique, hein, qui n'est pas forcément contre les varices veineux. Hein, y a beaucoup d'actions. Et ça m'étonnerait, parce que moi, je n'ai jamais entendu que ça se déposait sur les intestins. Parce que le cheminement, pourquoi sur les intestins ? Déjà, il y aurait déjà des problèmes. Au niveau déjà du gastrique, déjà, c'est un filtre. Je n'y crois pas. Et ça passe tout de suite dans la circulation sanguine, en plus. Oui. Alors, les messages continuent d'arriver, innombrables. Malheureusement, le temps qui nous reste... Eh bien, on reviendra, monsieur Marin. Eh bien, voilà. Le docteur Willem a trouvé la réponse. Donc, je rappelle que nous avons reçu en deuxième partie d'émission le docteur Jean-Pierre Willem pour son livre « Huiles essentielles antivirales, la solution naturelle pour lutter contre les infections » aux éditions Guy Trédaniel, et le docteur en pharmacie Jean-Philippe Zalka pour son remarquable dictionnaire complet d'aromathérapie, hein, qui est un ouvrage tout à fait passionnant et utile. Ben, je crois qu'il faudra qu'il revienne, parce que c'est un sujet qui passionne nos auditeurs. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à dire ? Il me reste à dire que notre cher Jean-Paul Chériguez de Olmeta présente ses excuses à nos auditeurs, parce qu'il n'a pas pu venir à cette émission. Et donc, il nous a privé de sa percutante et goûteuse chronique. Il a été pris ailleurs, d'ailleurs chez un grand ami de Radio Courtoisie. Et en ce qui me concerne, eh bien, le temps me manquant, je ne peux pas vous lire ma petite chronique habituelle « Un Français parle aux Français ». Je veux simplement vous dire que la seule bonne nouvelle que nous ayons eue en France ces dernières semaines est le départ de Madame Taubira, qui n'aurait jamais dû venir chez nous pour venir détruire à la fois la justice et la famille. Voilà. Quant au reste, je n'ai rien à dire sur le livre de Monsieur Sarkozy. Moi, je veux bien... comment s'appelle-t-il déjà le livre de Monsieur Sarkozy? Il s'appelle « La France pour la vie ». Mais je trouve qu'avec sa politique immigrationniste massive, hein, il a plutôt contribué à la mort pour la France. Voilà. Enfin, chacun ses opinions. Alors, à mes auditeurs de Radio Courtoisie, je vous remercie de votre écoute attentive, des innombrables messages que vous avez adressés en première partie d'émission à Christine Tazin et à Ghislaine Duménil, et en seconde partie d'émission au docteur Willem et au docteur Zalka, qui, je l'espère, pourront être présents à la grande fête du livre de Radio Courtoisie le dimanche 12 juin. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dans 4 semaines, je crois, mais là je n'ai pas de calendrier sous les yeux. Dans 4 semaines, je pense que c'est le mercredi 13 mars, quelque chose comme ça. Si vous avez, cher docteur, un calendrier, on peut vérifier ça. Et je remercie Franck à la technique, Michel, mon assistant si dévoué, et les dames et peut-être des messieurs qui ont pris les innombrables messages au secrétariat. Voilà. Je ne sais pas. Vous avez un calendrier? Non, ça c'est pour vous dire, ça c'est les 2 traitements de la maladie d'Alzheimer. D'accord, dont on parle. Merci beaucoup. Il y a une nouvelle aussi qu'il faut annoncer, c'est que Marion Le Pen va rejoindre la Syrie. Ah. Et alors je voudrais l'accompagner, puisque je connais un petit peu l'endroit. Mais moi je l'invite depuis des semaines, enfin par l'intermédiaire évidemment de son assistant parlementaire. Jusqu'ici, je n'ai pas eu de réponse favorable, je le regrette, mais peut-être que par votre intermédiaire, nous pourrons réussir à la faire venir à ce libre journal de la Résistance française sur Radio Courtoisie, animé par votre serviteur Gérard Marin. Merci à mes auditeurs, merci à tous. Et à dans 4 semaines. Merci à vous. Merci à vous aussi. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Gérard Marin, assisté de Michel, diffusé en direct mercredi 10 février 2016 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 11 février dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.